La mort à dessous, une aventure de Toto Fouinard par Jules d'Hermina. Chapitre 1er, qu'il est doux de ne rien faire. Étendu dans l'herbe épaisse, sur le dos, le nez en l'air, les mains croisées sur le creux de l'estomac, une cigarette au bec, Toto Fouinard était au vert, dans la petite maison qu'il avait louée sur le bord de la Marne. À quelques pas de lui, Suzon, sur un pliant, cousait. Un magnifique platane étendait au-dessus de ses branches aux larges feuilles. Pas un souffle de vent. Pas d'autre bruit que celui d'un vol d'oiseaux à travers les ramures ou le criquettement des insectes discrets. Le vrai bonheur, quoi. Le repos parfait. Ce que Toto, en son langage plus imagé qu'académique, appelait les délices de la vachardise. En fait, il avait bien gagné son droit à la placidité. Depuis l'affaire de la rue du Pont-Neuf, il était lancé. La victoire qu'il avait remportée sur l'imbécile Pied-de-Bœuf, la nouvelle leçon qu'il avait donnée au parquet et à la sûreté à propos du duc de Firmini, tout cela avait produit dans Paris, et surtout dans la presse, un effet énorme. On avait publié son portrait sous toutes les faces. On l'avait photographié marchant, courant, s'arrêtant, achetant un journal, prenant un verre de bière, que sais-je encore. Il était devenu l'homme populaire par excellence. Enfoncer les Sherlock Holmes et tous les détectives du monde entier. Il était le Fouinard national, et peu s'en fallut qu'on ne lui décernât le titre de grand français vacant depuis de Lesseps. Mais la gloire, si caressante soit-elle, a son revers. La vérité, c'est qu'il ne pouvait plus avoir un seul moment de tranquillité. Reporter ou chevalier de l'objectif le guettait, le poursuivait, le persécutait. Il ne pouvait hasarder un pas dans la rue sans entendre le déclic d'un Kodak, sans que les mères s'arrêtassent pour le montrer à leur gosse. « Vois-tu, ce maigriot-là, c'est Toto Fouinard !» Et le petit ouvrier de grands yeux en se fourrant le doigt dans le nez. Impossible d'entrer dans un restaurant sans que la dame du comptoir aiguisât son plus séduisant sourire, sans que les garçons se poussassent du coude, sans que les clients regardassent avidement comment il se nourrissait, telle une bête du jardin des plantes. Impossible d'aller au théâtre sans que, pendant le drame, un titi criât d'en haut « Hé, Toto, pige mon oncle, ce canaille de traître, fais-lui son affaire, hardi, Justine, tape dessus !» Et cela n'était rien encore. Naturellement, les reporters, qui ne respectent rien, avaient défilé un à un ou en groupe dans son logement du Faubourg Saint-Martin et avaient crié au monde entier, avec son adresse, les mystères de son antichambre, de son lavabo et de pire encore. Or, il s'était passé ceci. C'est que Paris renferme quelques 10 000 individus qui se croient victimes d'injustice, persécutés par la fatalité ou par des ennemis plus ou moins imaginaires. Et que toute cette engeance, flairant en lui un Don Quichotte bénévole, un redresseur de tort, un sauveur, était tombée sur lui comme grêle. Pas de jour ne se pendisse à sa sonnette des épouses qui couraient après leurs maris, des maris qui voulaient qu'on les débarrassât de leurs femmes, des gendres qui accusaient leur belle-mère de tous les crimes imaginables. C'était une débauche d'enfants perdus, de fortunes volées, de trésors recherchés, d'accusations se croisant, se contredisant, de rage ou de lamentation. Le pire, c'est que d'abord il avait marché et que pour une affaire à peu près sérieuse, il en avait suivi des douzaines au fond desquelles il ne trouvait que le néant. « Ah, zut alors » s'était-il écrié un beau matin. « J'en ai par-dessus les bretelles, que je ne porte pas. Mes contemporains m'aiment trop, ils m'embêtent. » Il avait décidé de leur fausser compagnie pour un bon bout de temps. Michel et Suzon lui avaient cherché et déterré un petit trou où il le serait possible de se reposer pendant un ou deux mois, de vivre sa vie personnelle loin des quémandeurs et des enragés de protection. Ça avait toute une affaire que de s'évader de Paris. On ne sait comment le bruit avait couru dans les bureaux des rédactions qu'il se préparait à un voyage, qu'on attribuait naturellement à quelques combinaisons géniales, à quelques chasses au mystère, plus passionnantes encore que les autres. Il avait dû littéralement s'évader de Paris, dépister les espions, changer 5 fois de voiture pour aller de chez lui à la gare de l'Est, avec 5 déguisements différents. Et enfin, c'était sous les espèces d'un pompier qu'il avait pu prendre le train qu'il avait emmené vers sa thébaïde de Brie-sur-Marne, à la limite du département, vers Noisy-le-Grand. Avec des Russes de Caraïbes, Suzon était venu le rejoindre pour tenir son modeste intérieur. Et Michel, qui avait à ses trousses toute la police journalistique, prenait le train de Paris-Lyon Méditerranée pour le dimanche en utilisant le chemin de fer de ceinture, atteint dans la gare de Chelles, d'où il dévalait vers la maison de Toto. Heureusement que l'actualité politique avait détourné l'attention de ces messieurs qui avaient dû suivre d'autres pistes et enfin on leur avait fichu la paix. Accalmie, dont Fouinard jouissait délicieusement sous le beau soleil de la liberté. Il avait changé de nom, s'appelait M. Justin, recevait à cette adresse les journaux qu'il lisait avec d'autant plus de plaisir qu'il n'y était plus question de lui que par intermittence. Par exemple, quand on signalait un chien écrasé et que l'auteur de l'accident était inconnu. Ah, si Toto Fouinard était là! Oui, mais il n'y était pas, et s'engaudissait fort, savourant la béate fainéantise qui, on a beau dire le contraire, forme le fond et le tréfond de la nature humaine. 15 jours s'étaient ainsi passés dans un délicieux oubli des contingences terrestres, à ce point que Suzon commençait à s'en inquiéter. « Prenez garde, monsieur Toto, lui disait-elle, vous allez vous rouiller, et quand vous voudrez recommencer vos galipettes, les jambes ni les bras n'y seront plus. » Alors il faisait 2 ou 3 sauts périlleux sur le gazon, en riant à pleine gorge et en lui criant « Hé, petite Suzon, faites-en donc autant !» Ce qui la faisait rougir parce que son costume ne lui permettait pas même d'essayer. Un seul lien rattachait Fouinard à la vie générale, la lecture des journaux, et surtout de ces chers faits divers qu'il coupait et classait amoureusement. Or, ce matin-là, déchirant la bande du Nouvelliste, Toto poussa un cri. « Qu'y a-t-il ? » demanda Suzon inquiète. « Ah, le pauvre bougre ! Ça, c'est un malheur et un vrai !»« Mais quoi donc ? Vous me faites peur ?» Toto vraiment était ému, il avait peine à parler. « Pierre Chardin est mort !» Quoi ? L'auteur ? Eh oui ! Le premier, le plus grand auteur dramatique de notre époque. Mais si ça me fait tant de peine, ce n'est pas par amour pour la littérature, car au fond je m'en fiche, mais bien parce que c'était un bon et brave homme, et que je lui dois tout. » Et comme Suzon le regardait curieusement, « C'est comme je vous le dis. Vous vous rappelez bien son grand drame de l'ambigu, la vraie mère. J'étais dans cette époque-là dans une purée d'une couleur indéterminable. Plus noir que le noir, et j'étais venu à ce théâtre en désespoir de cause pour y quêter une place, oh n'importe laquelle, si petite fût-elle, pour gagner juste de quoi ne pas mourir de faim. Je me vois encore m'introduisant en catimini sur le plateau, à la recherche d'un régisseur quelconque à qui je puisse défiler mon boniment. Et blanc, je me cogne dans le directeur, qui jure tous les dieux de l'Olympe en m'envoyant faire ce que vous savez. Il paraît que j'avais l'air si penaud qu'un monsieur qui cause avec le directeur éclate de rire et s'écrie « Mais il a une bonne tête de cabot, ce garçon-là, qu'est-ce qu'il veut ?» Je m'explique, je m'anime, je rigole en racontant ma dèche et le même type dit au directeur « Mon vieux, voilà le bonhomme qu'il me faut pour mon rôle de Loupio. Engagez-moi ça tout de suite. 200 francs par mois. » Le directeur ronchonne, proteste, l'autre n'en démord pas. Et ça se signe entre 2 portes. Et mon protecteur me dit encore « Te voilà content, morveux. Tiens, voilà un louis, va dîner. » Et ce bonhomme-là, c'était Pierre Chardin. Ah, ce que ce jour-là, j'ai mangé un bœuf maude à sa santé. Et depuis, nous étions si bons amis. Il venait toujours me voir dans ma loge. Et il était si content de mes petits succès. « Ça prouve que j'ai du flair, » disait-il en riant. « Ce sacré journal m'apprend brutalement qu'il est mort. » Eh bien, ma petite Suzon, vrai, ça me chavire. Et le brave Toto avait des larmes plein les yeux. Mais de quoi est-il mort ? S'écria Suzon que l'émotion gagnait. Est-ce qu'il était vieux ? Lui, pas du tout. Pas 50 ans. Et un homme solide, bien portant, avec des épaules larges. Attendez, j'ai les yeux brouillés. Je lis mal. Tenez, lisez-moi ça vous-même. Moi, je pleurerai. Suzon prit le journal. L'article portait pour titre « Une catastrophe ». Mort subite de Pierre Chardin. Un véritable malheur a frappé inopinément le Paris dramatique et intellectuel. Pierre Chardin est mort, hier à 7 heures du soir, et dans des circonstances si inattendues que, lorsque la nouvelle s'est répandue dans les théâtres, nul ne voulait y croire. Il avait passé sa journée dans les coulisses de la Porte Saint-Martin, surveillant les répétitions de son nouveau drame, Tante Nanette, et jamais il ne s'était révélé plus actif, plus maître de son art, plus génial metteur en scène. À 6 heures du soir, après avoir passé quelques instants au café riche, où chacun remarqua son entrain et sa belle humeur, il revint chez lui à son appartement de la rue Laffitte. Il entra, échangea quelques mots avec Madame Chardin, disant « Ça marche admirablement, je suis content, très content. » Puis il ajouta « Le dîner à 7 heures, n'est-ce pas? Je vous emmène, toi et ta fille, à l'opéra comique. J'ai encore quelques minutes, je vais écrire quelques lettres. » Il entra dans son cabinet dont il laissa la porte entrouverte. Quelques minutes se passèrent. La porte de son cabinet se rouvrit et il parut sur le seuil, tenant à la main 2 lettres qu'il venait d'écrire, et tout à coup il tomba en avant, raide, comme d'un bloc, sans un mot, sans un gémissement, comme foudroyé. Il était mort. En un article sincèrement ému, le journal rappelait la carrière si bien remplie de cet écrivain qui, après une lutte acharnée, avait conquis la sympathie et même l'admiration du public. Rénovant le genre démodé du drame, il a su donner à ce théâtre, jusqu'ici réputé secondaire, une ampleur, un accent de vérité, une envergure à la fois si large et si réaliste que depuis 15 ans, la foule n'a pas cessé d'acclamer cette verve toujours renouvelée. Après une analyse succincte de ses plus célèbres productions, le journaliste appréciait ce caractère franc, ouvert, cette bonté qui n'excluait pas l'énergie. Chardin était indulgent, jeune, bienfaisant aux malheureux. De lui, on ne pouvait citer que des traits de générosité. Plus d'un débutant lui devait son premier succès, et on ne comptait plus les œuvres d'autrui auxquelles une mise au point discrète avait assuré la faveur du public. Et c'est en pleine force, en plein épanouissement de son talent, à la veille d'un nouveau triomphe, que ce bon ouvrier de la pensée disparaît, frappé par une de ces fatalités imbéciles qui déroutent toute prévision, congestion cérébrale, embolie, le mal foudroyant l'a emporté. Ses obsèques, auxquels tout Paris artistique et littéraire se fera un devoir d'assister, ont été fixés à après-demain jeudi, à 3 heures précises. On se réunira à la maison mortuaire. L'inhumation aura lieu au Père Lachaise. Toto avait écouté, sans l'interrompre, la lecture de ce long article. « Brave homme, pauvre homme, dit-il enfin, on n'en dira jamais assez de bien. Tout de même, c'est bête la mort. »« Ah, j'oubliais, dit Suzon. Il y a encore une note. Voici depuis 15 jours la 3e mort subite qui frappe inopinément la grande famille intellectuelle de Paris. Ce fut d'abord le docteur Bouchard, membre de l'Académie de médecine, puis John Massel, le grand chanteur. Est-ce la fin de la funèbre série ? Le hasard a de ces terribles surprises, dit Fouinard. J'avais déjà fait cette remarque à part moi. Et ces 3 hommes sont morts dans des conditions identiques, en pleine vigueur. Hélas ! Tous les raisonnements du monde ne prévalent pas contre les faits. Un musulman dirait « c'était écrit ». Il avait dit cela à mi-voix. Un pli s'était formé sur son front et ses yeux avaient pris un instant cette fixité bizarre que Suzon connaissait bien et qui indiquait une subite contention d'esprit. Mais, secouant cette préoccupation involontaire qui évidemment ne répondait à rien de précis, Fouinard dit « j'irai à l'enterrement ». Suzon eut un sursaut. C'est renoncer au repos, et pourtant vous en avez réellement besoin. Tant pis. Je me dois moi-même de rendre ce dernier hommage de reconnaissance à mon bienfaiteur. Et puis je ne sais pas, mais quelque chose en moi me dit qu'il y a là quelque chose de plus qu'une attraction sentimentale. Que voulez-vous dire? Pour le coup, il semble bien que dans ces tristes événements, il n'y ait rien que de très naturel, de trop naturel, malheureusement. Toto secoua la tête comme pour écarter les pensées qui l'obsédaient. « C'est évident, » fit-il. « Que voulez-vous, ma bonne Suzon? On ne se refait pas. Vous savez bien qu'en tout, il faut que je cherche la petite bête. » La journée passa. Toto était triste, agité. Décidément, la mort de Pierre Chardin lui avait porté un coup très douloureux. Vers le soir, Michel revint de Paris avec les journaux du soir. « Que dit-on ? » lui demanda Toto. « Tu sais, ami, que je ne sors guère de l'atelier dans la journée, alors je ne sais pas grand-chose. » On entend cependant des bêtises grosses comme le bras. C'est ainsi que j'ai entendu dire qu'il y avait à Paris comme une épidémie de mort subite, une espèce de choléra inconnue. Et il ne nous manquerait plus que d'avoir cette frousse-là. Et à quel propos disait-on cela? Parce qu'il est mort, à ce qu'il paraît, un homme très connu, et que c'est le 3e qui disparaît de la même façon depuis quelque temps, sans avoir été malade, sans qu'on puisse deviner la cause de son décès. Alors l'imagination court bien vite. Je ne sais qui a lancé cette idée d'une épidémie, mais elle a fait son chemin tout de suite, Et tout à l'heure, dans le train, une brave femme criait. Mais il n'y a donc pas de gouvernement pour empêcher cela ? Voyons les journaux, dit Fouinard, et quand il eut jeté un regard, il y a là en effet quelque chose d'assez étrange, murmura-t-il. L'autorité avait donné ordre de sursoir l'enterrement de Pierre Chardin, et on annonçait que le parquet avait réclamé l'autopsie du corps.